KAP comme 1-1-3. Pattaya, Pattaya. J'parle avec les mains, j'parle pas la langue. Sous jet lag welcome to Thailand. J'mets le dernier maillot du PSG. La facture monte vite, j'coupe la 4G. Deux trois potos, j'rejoins l'équipe. Genre le remake de Very Bad Trip. J'regarde la vue, je vis la nuit. On m'appelle de Paris, le ciel est gris. Viens on oublie, je venais changer d'air. Balade dans tes max, scooter des mers. Je mets ce gars-là à la Obama. Pattaya, j'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Histoire d'oublier. Oublier. J'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Histoire d'oublier. Oublier. Dans le van pour Pattaya. Tous mes potes à Pattaya. J'suis au max à Pattaya. Sur les plages de Pattaya. Dans le vol pour Pattaya. Tous mes potes à Pattaya. J'suis au max à Pattaya. Sur les plages de Pattaya. J'suis sur un tuk-tuk, j'suis à Pattaya. Torse nu, vu sur la playa. Constantine, grosse villa. La douche de bas, j'suis déjà faya. J'suis dans un délire, père de Zanotti. J'suis tout frais, j'suis prêt à sortir. J'mise en soin, on voit les crustacés. Les pieds dans l'eau, j'suis en train de déguster. J'démarre Yamaha sans pression. Le passeport est gardé en caution. Insomniaque, un jack sans glaçon. Tranquille au max, ressens les sensations. J'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Histoire d'oublier. Oublier. J'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Dans le vol pour Pattaya. Tous mes potes à Pattaya. J'suis au max à Pattaya. Sur les plages de Pattaya. Dans le vol pour Pattaya. Tous mes potes à Pattaya. J'suis au max à Pattaya. Sur les plages de Pattaya. Je pars pour le fun. Rendez-vous dans le club. Je pars